voyant les frères tuer, voir les proches au cimetière. Du mal à m'y habituer, un coup de tête et tu passes du rire aux larmes. Parce que ces putes enlèvent les âmes, nos frères avec des armes. Escorté par la cam, c'est la cousine du drame. La pute du macadam, heureuse de voir madame traîtrise, elle sait qu'il y aura des coups de lame. Pas moyen de faire des coups d'as, que des coups de trace. Sponsor par les coups de cross cousse. J'te jure j'ai les nerfs, rien que d'y penser. La mort si tu me la présentes, c'est sûr j'vais la défoncer. C'est sûr j'vais la défoncer. Elle kiffe les pierres, ton pas l'étale. Les frères qui ont la dalle, les deals qui tournent mal. Vu qu'il y aura du taf parce que des balles. C'est la meilleure copine de la vengeance. Elle s'envoie des SMS. Quand les mecs te testent, s'envoie des bastos. Quand elle m'a pris le daron, la tente, le clion, j'ai mangé une claque. Comme si la vie me plaque et pas sur le plaque. Vas-y, verse une gorge et pour les morts. Pour les morts. Un point final à sexe, réalité d'une vie hardcore. On verse de l'encre, parce que seuls les écrits restent à ceux qui ont levé l'encre et ceux qui sont en son prix, mec, tous fâchés. La plupart de nos vies gâchées par le péché, les âmes nos frères bien arrachés. On verse de l'encre, parce que seuls les écrits restent à ceux qui ont levé l'encre et ceux qui sont en son prix, mec. L'univers carcéral, ces portes qui grincent, les matons qui boivent, cette guette enfermée dans ce bocal. Heureusement, y'a la mif, même si on se voit peu de fois au parloir. Si un mec parle mal, casse-lui le pif. L'intérieur, le cœur est plus rouge, mais devient dur comme une pierre et vire dans le noir. T'as vu, tu peux te retrouver enfermé en un quart de tour, mais qu'ils aillent se faire mettre, eux et leurs bracelets. Cette juge qui met des doubles peines à nos robes années. Et refrain, dehors tout le monde pense à soi, aucun bras de tes connaissances se lève. À l'extérieur, c'est la savane, beaucoup poussent pour avoir leur place pour s'asseoir. C'est clair, c'est pas marrant d'être derrière des bars où le sourire est. L'oseille se fait rare. Certains n'ont plus rien, prépare leur corps pour mourir. Inch'Allah, ta sortie tu te referas. N'oublie pas les petits roues sont là, si Dieu le veut te referont. Verse de l'encre, parce que seuls les écrits restent à ceux qui ont levé l'encre et ceux qui sont en son prix, mec, tous fâchés. La plupart de nos vies gâchées par le péché, les âmes nos frères bien arrachés. On verse de l'encre, parce que seuls les écrits restent à ceux qui ont levé l'encre et ceux qui sont en son prix, mec.